Des personnes de petite taille, des personnes de très petite taille, des personnes de grande taille. Cette semaine, on a maté Willow et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Qui me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Un tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu, cette semaine consacrée à Willow de Ron Howard. Qui respecte la diversité en termes de taille. À mes côtés, pour en parler avec moi ce soir, on l'entend déjà, Mickaël. Bonsoir. Mickaël. Bonsoir. Comment ça va? Oh, ça va très bien. Ça va bien? Ah oui, vraiment. Une grande forme. On était dans un monde merveilleux. Un super monde. À tes côtés, Mickaël, Camille. Bonsoir, Camille. Bonsoir. Ça va? Mais très bien. Savoir que Camille est un peu grande et par rapport au film, c'est... Et enfin Greg, bonsoir Greg. Bonsoir. Ça va Greg? Ouais, c'était vraiment bien, ça m'a fait replonger dans mon enfance et tout. T'aimes bien les nains Greg? J'adore les nains en plus, figure-toi. Du coup, c'était vraiment que du bonheur. Ouais, on s'excuse par avance parce qu'à mon avis, il y a des mots comme nain, nabo, tout ça qui vont tomber. Donc à chaque fois, nous ferons référence à des personnes de petite taille. Voilà. Je dirais même que ça va impec. On expliquera. Ce soir, on parle donc de Willow, de Ron Howard, sorti en 1988, de 126 minutes, avec Val Kilmer, Warwick Davis, et Joan Wallet, Jan Marsh, avec un scénario et histoire écrite par George Lucas. Oui. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. It was a different time. It was a time of destiny. A time when a child could tip the balance between good and evil. Why, with my powers, with the strength of my great army, can you not find one little child? Ok, a voilà, donc là on a fait tout aussi chiant que film qu'on arrête. Ouais, le seul avantage c'est qu'il dure 4 minutes, quoi. Donc ce film, on va tout de suite spoiler, c'est hyper long. C'est insupportablement long. En même temps, tu spoiles pas tellement, dis ça. C'est que la durée est derrière la jaquette. Oui, parce que j'emprunte les vidéos à la bibliothèque. Putain, c'était infernal. Ouais, ouais, ouais. C'était infernal. Vous avez aimé? Ouais. Ben, en fait, moi j'avais aimé, mais quand j'étais enfant. Et en le revoyant, je me suis dit, je pensais passer un bon moment, et en fait, non, j'ai pas vraiment passé un bon moment. Ah putain, mais c'est une purge. Ouais, c'était vraiment. Vous l'aviez vu quand vous étiez gosse? Ouais. Tu l'avais pas vu, toi, Camille? Je suis passé à côté de ça, gamine. Ah merde. Ouais. Moi, j'avais dû le voir vraiment petit. Moi, à l'époque, je faisais la même tout, taille quoi. Que les mecs dans ce film, en fait. Et je m'en souvenais pas du tout pareil, quoi. Ouais, moi j'avais des bons souvenirs, quoi. Ça et les Goonies, tu vois, c'est un petit peu les deux films. Ouais, je crois que les Goonies, c'est moins nul. Hein. Ah ouais, non, les Goonies, c'est quand même bien mieux, quoi. Ah ouais? Dans le sens où c'est bien, donc déjà, on n'est pas de l'autre côté de la barrière des films, quoi. Ouais. Bon, ce film, c'est l'enfer. Qui résume l'histoire? Bah, c'est un Walt Disney, en fait. Hein, donc, du coup, c'est une prophétie qui dit qu'un bébé prendra la place... Un bébé tatoué, d'ailleurs. Bébé biker. Prendra la place d'une reine maléfique. Et donc la reine maléfique décide de... Qui est quand même la reine de Blanche-Neige, quoi. Bon, oui, la même couronne. Même. Ouais, la même couronne. Ouais. Et du coup, elle décide de tuer tous les enfants. Ça rappelle un peu la Bible, d'ailleurs. Petite référence culturelle. Elle décide de tuer les... C'est pas ici qu'il faut faire ça. Et en fait, du coup, une nourrice, enfin, je sais pas, une dame. Une nourrice. Dame. Bon, sinon, une madame, je ne sais pas. Elle décide de l'envoyer, bah, comme Moïse, d'ailleurs, encore une fois la Bible. Elle l'envoie sur un rafting. Ça, c'est le début de ton résumé, mais ça va être très très long si tu crois dans les détails comme ça. Donc là, après, elle descend dans la forêt. Sans être... Non, l'enfant descend très lentement dans le torrent. Non mais un résumé, donc essaye de faire un peu. Et donc du coup il va tomber sur un nain. Enfin le nain va tomber sur l'enfant. Enfin pas aux enfants parce qu'il aurait fait mal. Résumé de l'enfer. Et donc, le nain va décider de sauver l'enfant alors qu'il le connaît ni d'Ève ni d'Adam. Encore la vie. Donc il va sauver Moïse et il va s'engager dans un long périple pour sauver cet enfant. Voilà. On est déjà à 54 minutes d'émission. Surtout, t'as résumé les 3 premières minutes du film. Bon, après, voilà, bah oui, ça va les amener à rencontrer Val Kilmer, tout ça, et à la fin, on se spoil pas. Qui est pas en latex cette fois-ci. Il est en cuir. Donc le film s'ouvre sur la méchante sorcière, donc bail habituel, c'est-à-dire méchante sorcière, il pleut, il fait noir, son chapeau il est noir, elle a une robe noire, c'est-à-dire ils peuvent pas prendre un peu de plaisir, tu sais, se faire un petit lieu confort et tout, tu vois. Varier les couleurs, ouais. C'est-à-dire que quand t'es méchant, t'es méchant jusqu'au bout, quoi. T'es méchant aussi dans ton environnement, quoi. Y a pas des moments où tu peux être bien, quoi. Puis surtout, en même temps, si elle était sapée comme un clown, je veux dire, elle aurait peut-être fait moins peur aussi, quoi. Bah sinon, elle serait dans Batman. Hein. ouais, bah c'est ça, du coup. Ouais, comme tu disais, ça commence. Il y a le bébé sur le radeau, qui arrive. Le bébé tatoué. Ouais, je sais pas comment le petit radeau arrive directement là, exactement, il fait un amarrage parfait, hein, franchement, même Tabarly, ça marre pas comme ça. Non, mais en fait, surtout comment il se retrouve sur ce truc-là, quoi. Non, mais en fait, déjà, il faut expliquer la scène, en fait. Déjà, le bébé naît, la reine qui veut tuer le bébé, elle passe à côté du bébé, elle le voit pas. Donc la nana se casse avec le bébé, et là, ouais, elle tombe juste à mon avis, à côté d'une location de canoë, parce qu'elle trouve un petit rafio spécial pour enfants. Ouais, tu vois, elle le met dessus, parce qu'en fait, elle est poursuivie par des espèces de loups sangliers. Non, mais attends, mais même quand elle s'enfuit du château, elle part avec le bébé, la reine, elle fait « Elle s'enfuit avec le bébé, trouvez le bébé et tout !» Et le plan d'après, la meuf, on a vu tout le décor de la Nouvelle-Zélande, elle bouffe pas, elle marche, comme on continue avec le gosse, et après ça, hop, la petite botte d'herbe là, qui fait rafio. Ceci dit, elle a la poisse, la sorcière, parce que déjà, elle avait le bébé. Bon, dès le début, elle le paume, et puis après, pendant tout le long du film, ça va être ça. Je retrouve le bébé, je le paume. Je retrouve le bébé, je le paume. Oui. Ouais. Je fais un sacrifice, je le paume. Oh, t'as raconté la fin. Et donc, voilà, donc bon, la personne de petite taille. Willow. Donc alors déjà l'enfant, faut savoir qu'ils sont dans la montagne, donc elle balance l'enfant dans un torrent de montagne, quoi. Donc le gamin, il a en théorie, dans la réalité, il avait 99 chances sur 100 de mourir, quoi, et que le film s'arrête là, mais là pour le coup. Mais c'est quand même une grosse session de rafting, ouais. T'as raison. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc il arrive chez le nain, voilà. Moi je vais pas hésiter à le dire. Voilà, allez, c'est bon. Faut appeler un chat. Ouais, c'est pas un nain, c'est un pec. Appelle-le le pec à ce moment-là. Ah, il dit pec aussi en français? Oui. Mais je pensais que c'était une insulte en anglais. Non, je disais pecno, mais c'est pas pareil. et donc voilà, donc lui, il va trouver le bébé, et puis il va petite affection quand même directement avec Willow. Non, au début, oui. Il flippe, enfin bon, bref. Oui, oui, il a pas envie. Il a pas envie de On va expliquer et ça. D'ailleurs, Willow, parce qu'il apparaît à l'écran, vous avez vu Willow, moi je suis quand même assez admiratif, c'est Alex Lutz. En plus, il joue tout le film à genoux, c'est quand même impressionnant. Moi, dès le début, quand j'ai vu le village, le bébé et tout, je me suis dit, ok, dans ce film, tout le monde est roux. D'ailleurs, le réalisateur est roux. Oui, Ron Howard est roux. C'est vrai? Mais il a fait quoi d'ailleurs, Ron Howard? Putain, j'ai failli vérifier. J'ai failli vérifier avant de lancer. Je me suis dit, oh non, ils sauront. Non, on n'a aucune culture cinématographique, donc voilà, on ne sait pas. Et non, mais tout le monde est rouquin dans ce film. Et alors là, c'est la fête des nains, le village des nains. Là, du nain, si t'aimes ça. Gros casting. Tu vas en bouffer, quoi. Ah, d'ailleurs, petite anecdote. Oui. C'est sa vraie femme dans la vie. Ah ouais? La naine, ouais. Ah ouais, parce d'accord. que j'avais noté des trucs sur elle, hein, parce que lui, il est vachement plus beau qu'elle, hein, quand même. Hein. Ah bon, vachement. Et donc voilà. Bah, elle a fait des pubs pour les sous-vêtements. Elle. Bah, c'est elle qui devait jouer le rôle de Nicole Kidman dans Batman. Hein. Donc là, il y a la fête du village, tour de magie. Ouais, et il y a aussi l'élection du nouveau. Ah oui, c'est vrai. Bah, explique ça quand même. Ouais. Explique comment ça fonctionne. Ouais, alors c'est très très bien. C'est un peu équitable, hein, sauf pour le dernier qui a vachement plus de chance. Parce qu'en fait, le nain. Enfin, le sorcier du village. Le sorcier, il va dire bah, choisis un doigt. Tire mon doigt. J'étais sûr que t'allais le faire. Il dit choisis un doigt, et si tu trouves le bon, et ben c'est toi qui va, tu vas pouvoir avoir ta formation de magicien. Bon, le premier il trouve pas, le deuxième il trouve pas, et là Willow arrive, et on se dit putain, il reste plus que 2 doigts, ou 3, ça dépend combien il y en a, je sais plus. Il reste plus que 3 doigts, du coup il est vachement avantagé, et ben là, plam, et ben il se plante quand même, quoi. Mais surtout, moi je suis quand même assez surpris, vous soyez surpris, hein, parce que moi je m'entretiens en embauche pour mon taf, c'est comme ça que j'ai été embauché, j'avais trouvé le bon doigt. Tu as choisi un orteil. Non mais c'est surtout, en fait le mec il s'est mis trop chaud, il a juste pas envie de voir d'apprenti, tu sais. Et non, personne n'a trouvé le doigt. Allez, à l'année prochaine. Mais globalement, moi, je trouve que le sorcier, il est un peu, je crois qu'il est un peu ma boule et qu'il dit n'importe quoi pendant tout le long du film. Enfin, on le voit pas trop encore. Il dit n'importe quoi, tout le monde dit ok, ok, d'accord, on fait ça. Mais pourquoi c'est lui le chef? Il a l'air complètement débranlé, le mec qui en zapoille complet tout le temps. Et là, donc pendant la fête, pas de bol, le village se fait attaquer par les chiens rats géants là. C'est l'espèce les de sanglier, rat. Sanglier. Ouais, c'est un peu sanglier. Hein. Ouais, et il y a interprété par les chiens, je pense. Il y a aucune défense dans ce putain de village, quoi. D'un seul coup, ils sont là. Mais surtout, tu sais que c'est quand même les. Parce que moi, c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en fait, c'est les bestioles qui ont été envoyées par la reine, en fait. Donc elle les a équipées de GPS, visiblement. Parce que... Donc la reine, elle sait très bien où ils sont. Enfin, les bébés, dans ce cas-là, ils viennent et ils cassent tout le village avec des humains. Surtout que c'est débile. On va d'abord envoyer deux sangliers, puis après. Peut-être que s'ils y arrivent pas, on enverra peut-être des humains, quoi. Puis du coup, on verra. Ils y arrivent pas, ils sont revenus avec des truffes, du coup. Pas avec le bébé. Du coup, bah, branle-bas de combat, finalement, ils arrivent à maîtriser un ou deux sangliers, là. Et du coup, ils retrouvent le bébé. J'essaie d'avancer hein, pour que ça finisse plus vite. Surtout, ils prennent la décision de se débarrasser. Enfin, le village prend la décision de se débarrasser du bébé parce qu'ils doutent. D'ailleurs, on sait pas donc, comment. Donc, grand conseil. Hein, donc là, le vieux, il lance les ossements par terre. Donc là, il est complètement dingo. Il fait Je trouve ça génial parce qu'il lance les os, mais on a vraiment l'impression qu'il dit n'importe quoi. Il dit on lance les os. Ah bah non, les os disent rien. Après, les os disent non, mais c'est toi qui vas y aller. Et après, les os disent oh bah peut-être que toi aussi tu vas y aller. Toi, couvre un peu trop ta gueule. Je pense qu'il l'invente au fur et à mesure que tu sais. Et les os ils disent Karine dans ma chambre et les os ils disent plus de vin. Le mec est dérangé. Du coup et là ils annoncent que enfin le magicien annonce qu'ils vont devoir il faut partir emmener le bébé. Ils partent dans une autre contrée en fait. Donc ils créent ce qu'on appelle une communauté de l'anneau, c'est-à-dire un groupe d'aventuriers avec des nains. En fait c'est exactement le scénario du Hobbit. C'est vrai. Oui. Non, mais c'est le scénario du Hobbit. C'est même pas le scénario du Hobbit. C'est aussi celui du Seigneur des Anneaux. Ouais, mais bon, il avait copié sur le Hobbit, sur son propre. Ouais, à la limite, c'est le même auteur, quoi. Ouais. Et là, c'est exactement le même scénar, sauf que c'est pas un anneau, c'est un bébé. Et sauf que, bon, je sais pas si vous avez vu le Hobbit, mais c'est normalement c'est 9 nains qui y vont, tu vois. Là, c'est 9 nains, mais là, c'est 9 vrais nains. C'est-à-dire que, tu sais, ils marchent vachement chelou. Que tu vois pour le film de Peter Jackson il marche à peu près normalement tu vois que là en vrai il galère pour marcher dans la forêt. Je dois confesser que j'ai jamais vu le Seigneur des Anneaux. C'est un peu pareil hein, franchement tu sais Nouvelle-Zélande même décor c'est pareil c'est Nouvelle-Zélande c'est par contre c'est moins chiant quand même hein. C'est moins chiant pourtant c'est long. C'est ça qui me décourage. Ouais, quand il marche, leur centre de gravité se déplace pas à 45 degrés à chaque fois. Et du coup, en fait, je me suis dit, tu vois, histoire de George Lucas et tout, à mon avis, il est à la prod. Ouais. Et donc, à mon avis, le village, en fait, c'est tout le cast des Ewoks, en fait. Oui, mais ça doit être ça, ouais. Tu sais, ça s'était bien passé. Il fait, bon, je vais vous faire un film avec des nains, mais on vous mettra dans un village. Non, mais lui, à mon avis, parce que c'est George Lucas qui a fait l'histoire, à mon avis, il venait de lire Le Seigneur des Anneaux, il a fait, mais c'est trop bien comme histoire, et il a refait la même, quoi. Mais je crois qu'il il le dit clairement, qu'il s'est inspiré de. Bah, il peut, ouais. Ce serait un peu se foutre du foutage de gueule, dire, non, c'est sorti de ma tête. C'est complètement original. J'ai tout inventé, je me suis réveillé. Le magicien s'appellera Gandalf. Bon, bah, du coup, ils partent, hein. Ils partent. Alors, par contre, avant, le sorcier. Il jette les os. Après lui, après avoir perdu les os, il donne un gland magique. Ah, personne ne fait de blague sur le gland magique. Non, parce que la blague est dans la phrase quoi. Oui. Déjà, je te donne mon gland magique. Il transforme en pierre en plus. Un gland qui transforme en pierre. Ouais. La personne s'en sert jamais. Si, mais il va mal s'en servir. En fait, non, il y a une fois, il va s'en servir sur une marche en bois. Ah, il s'en sert. Ouais. C'est-à-dire qu'il va transformer le bois en pierre. Super, Willow, merci. Et à la fin, ça va pas marcher sur la sorcière. Donc en fait, il s'est un peu foutu de la gueule, le sorcier, quand même. Et alors, il y a le sorcier qui lui donne le gland magique et il y a sa femme qui lui donne un porte-bonheur. Vous avez vu ce que c'était? Non. C'est des cheveux. C'est la moitié de ses cheveux. C'est la moitié de ses cheveux, ouais. De toute façon, je fais une chimio, donc tu peux les prendre, les bons. Puis prends ses crottes de nez, puis ses ongles coupés aussi. Ça te portera bonheur. Tiens, c'est la jambe du petit. Et donc là, ils font la rencontre, j'accélère énormément, ils font la rencontre de Val Kilmer. Ouais. Ouais. Qui est beaucoup moins moulé que dans Batman. Ouais. Alors d'ailleurs, mention spéciale, c'est la troisième fois qu'il apparaît dans 2 heures de perdu. Ouais. C'est vrai. Égalité avec Laurent Lafitte et le gros de Jurassic Park. Dont on connaît toujours pas le nom d'ailleurs. Bon, peut-être qu'un jour on le connaîtra. Val Kilmer, il va pas bien là. Hein. Il est enfermé. Il y a la voix d'Harrison Ford d'ailleurs dans la VF. Moi, il a la voix de Val Kilmer, je l'ai en VO. Val Kilmer, maintenant, il a la voix du génie dans Aladdin. Ouais, bah, c'est la voix d'Harrison Ford. Bah ouais, je savais. Et d'ailleurs, dans cette scène, il y a 1 milliard de faux raccords météo. sur chaque plan différent, il fait une fois il neige, une fois il fait nuage. Ouais, mais le temps est très changeant là-bas, hein, tu sais. Tu sais, il y a un contre-change, il y en a un coup c'est fait nuit et l'autre côté il fait jour. Alors, il y a un nain qui ressemble à Lionel Richie, par contre. Oui. Ah bon? Ouais. Moi, je trouvais qu'il ressemblait à Christian Clavier, je me suis dit. Comment on peut. Ah bon? Ouais. Mais là, il y en a un qui ressemble à Christian Carambeau en fait, aussi. Ça... Ouais. Il y a vraiment plein de personnalités, hein. Mais il y a des guests, hein. J'ai noté 2-3 guests tout au long du film. Toute cette troupe là, ils sont un peu dirigés par le méchant nain lâche Burger Cult là, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, ouais. Et lui, il est vraiment pas cool, hein. Bah lui, il veut rentrer chez lui, hein. Ouais, et franchement, il est lâche, non? Ah bah oui, hein. Ah bah oui. Et du coup, ouais, explique-moi, c'est quoi un pec? Un pec, c'est leur race, alors c'est ça? Ouais. Mais t'as les brownies, les daiquiri et les pecs. Quoi. Ah, moi je pensais que c'était l'abréviation de daiquiri. Daiquiri, j'ai dû sortir hier soir. Ouais, mais c'était pec citron, mais pas daiquiri. Et Val Kilmer, il essaie de se barrer, donc il dit bah donnez-moi le bébé et puis. Mais il prend mal quand même. Enfin, tu vois, pour mettre les gens en confiance, il est là donne-moi de l'eau, grab, il la crie. Enfin, tu vois, je sais pas, soit plus sympa. Bah il est en détresse. Aussi. Et en plus, il est gêné, Willow. Il fait non, on lui fait pas confiance, on lui parle pas. Oh, et il installe un campement à 2 mètres de la cage. Non, ne lui parle pas. Bah mec, va camper plus loin. Je veux dire, t'es trop con. Ils sont plus que deux à ce moment-là. Il est avec son pote Maradona. Je crois que c'est à ce moment-là d'ailleurs ouais. qu'il l'insulte et qu'il lui sort une réplique du genre ta mère le lézard ou un truc comme ça. Dans la VF? Ouais. Ah bon? Putain, dire ça en PEC. Ta mère est un lézard. C'est une insulte mortelle ça. Enfin, ça c'est pour démarrer une bagarre chez les PEC. Ah ouais, il sait pas c'est qui domine. Hein. Surtout, il y a un truc, c'est il faut qu'il soit terriblement discret. Le premier truc, le mec il campe sur la route quoi. Ouais. C'est-à-dire que tu veux croiser des gens, bah vas-y, il va camper sur la 4. Bah, du coup, c'est un peu la 4 parce qu'il y a des chevaux qui passent à donf, mais ils s'arrêtent pas du tout pour le fait. C'est la guerre de dingue, il y a des gens de partout. C'est... Bon, bah finalement, ils savent pas trop comment faire, alors ils décident quand même de filer le bébé à Val Kilmer. Ouais. Val Kilmer, il sort. D'ailleurs, je sais pas comment il lui ouvre la cage, mais c'est vraiment trop fastoche, quoi, comparé. Et s'il y avait une languette, en fait, à tirer comme le flambi. Mais vu que c'était sous lui, Val Kilmer, il y arrivait pas, quoi. Et du coup, Val Kilmer se barre avec le bébé, mais il demande même pas son prénom ni rien. Tu sais, il se barre avec le bébé, ah, c'est bon, je vais m'en occuper. D'ailleurs, il a jamais de prénom, ce bébé, si? Frédéric. Ah, c'est pas Willow, c'est le mec qui a rien. Et donc, il se barre. Si, grave, puisqu'il l'appelle c'est la princesse machin, la réincarnation. Ah oui, Elora, un truc comme ça. Oui, non, mais c'est pas le prénom du bébé, en tout cas. Ah bon? Elora, non. C'est qui alors? Je confonds tout. C'est Elora Malagré, tu sais. Je suis dedans. Donc après il file le bébé à Val Kilmer, tu dis bon le bébé est en sécurité. Ouais, là je comprends pas ce qui se passe après moi. Là après le bébé il arrive avec des griffes d'aigle et tout. Il lui donne des radis noirs déjà. Hein. C'est pas trop comment. Attends, là tu viens de faire une avance d'une heure dans le film. Non, moi j'en suis pas rendu compte. Non, c'est après qu'il lui file des pousses noires, des racines et tout. Hein. Ah bon? Là le bébé il revient à dos d'aigle là. Ouais, avec les ah oui. Chiens. Avec les brownies, il s'appelle les brownies. Putain, mais tu peux pas trouver un autre nom, quoi. J'ai pas compris, ouais. Parce que le gars, il est sur le faucon, là, il dit « J'ai volé le bébé !» Mais pourquoi déjà tu répètes ça alors que c'est pas très discret, surtout quand tu repasses devant Willow. Et deuxièmement, à quoi ça te sert de voler le bébé avec un faucon, quoi. Alors, les brownies sont les personnages les plus insupportables de ce film. Ah, c'est chiant. L'incrustation, ouais, des fois, elle est bien faite, des fois, elle est vraiment mal faite. Ouais, bah après là, ils servent à rien ces personnages-là. Quoi. Et puis, alors, l'espèce de bitch sur la voix, machin, ça, il faut arrêter quoi. Ils ont arrêté, depuis. Hein. Ils ont fermé en fait le truc de bitch avec ce film. Bah, du coup, après, ils capturent Widow. Il y a explication de bail. Ouais, après, je sais pas, ils vont au bar avec le bébé. Ils vont au bar avec le bébé. Ah oui, c'est au moment où Val Kilmer se déguise en femme. Ouais. Ah, ils vont à la taverne. Alors, c'est le truc, ouais. Tout dans tous les films du Moyen-Âge, des machins. Dès que t'es dans une taverne, il y a déjà une pré-baston. Ouais. C'est-à-dire qu'il va y avoir un super baston après, mais c'est déjà la pré-baston dans la taverne, quoi. Tout le monde est débranle. Ouais. Il y a un micmac parce qu'il est habillé en femme, là. Ah oui, parce qu'en fait, ah oui, alors attends, rappelle l'histoire, je me souviens plus exactement. C'est parce que. Alors, c'est un bébé, c'est Willow, c'est un nain, et il va devoir sauver un bébé. Il monte sur un petit radeau, tout le monde est roux, on l'a dit ça. Non, mais en fait, il trompe, enfin, il a une relation avec une nana et son mari revient. Ouais. Son mari qui a 74 ans de plus qu'elle, d'ailleurs. Du coup, elle l'habille en femme. Elle l'habille en femme. Et elle dit, ouais, c'est ma tante. Ou non, c'est une copine. Ou ma cousine, elle dit c'est ma cousine. D'accord. Et lui, il comprend pas que le mec, déjà, il a la moustache quand même de Freddie Mercury, quoi. C'est-à-dire que comment il a pas pu cramer que c'était pas une femme, je sais pas. Oui, oui. Moi, je vous laisse dans cette explication-là. Et là, ça, après, c'est un truc qu'on va quand même remarquer pendant tout le film. Mais oui. Willow ne sert à rien. Bah, il sert à rien et puis alors, j'ai mis du temps avant de comprendre que Willow c'était pas le bébé. Bah de loin tu confonds déjà les deux. Bah oui d'ailleurs c'est à mourir de rire parce que quand ils reprennent le bébé, Willow il le porte dans son dos mais le bébé est aussi grand que lui quoi. C'est bien parce qu'ils peuvent intervertir les rôles, tu sais quand il y en a un qui est fatigué du coup. Mais moi au début je pensais que le bébé, enfin le long du film je pensais que le bébé allait grandir, tu sais qu'il allait y avoir des ellipses et tout, je me suis dit mais il va faire comment avec le bébé après. Mais au tout début il y a des indications d'ellipses temporelles et on le voit par rapport à ses cheveux justement parce qu'au début il a les cheveux un peu plus courts que... Enfin bon, ça dure quelques minutes. D'ailleurs, j'ai noté que c'était une perruque, parce qu'à un moment donné, il tourne la tête vers la gauche et sa perruque reste à droite. C'est les cheveux franchement, bébé, s'il écoute ça, il ne sera pas content, parce que moi, je sais qu'il a des vrais cheveux. Non, mais Willow ne sert à rien, c'est-à-dire qu'il est trop petit pour faire des trucs, il ne sait pas faire de magie. Si, peut-être qu'il agace tout le monde avec sa voix. Ouais, c'est ça. Ça, ouais. Oui, ça, oui, oui. Ça, il sait faire. Et même quand il est dans le chemin, il gêne pas vraiment. Parce que, bon, de toute façon, il le valdingue. Bon, bah, heureusement que Val Kilmer est là, parce qu'il sauve le bébé, tac, et puis il monte sur la carriole, là, machin. Il se poursuit en calèche. Étoile de ninja, vous l'avez noté, celle-là Étoile de ninja, carré. Mais bon, étoile de ninja, moi, j'étais content. Il a eu sa petite étoile de ninja, Anthony, il était content. Val Kilmer, il décide, oh, bah, finalement, cette aventure, ça me branche. Le tournage de Batman est reculé d'un mois. Du coup, je vais rester avec vous. Je devais être un figurant juste un dixième du film, mais je vais faire la fin avec vous. Et ouais, bah après, voilà, je crois qu'ils se font choper, hein, c'est ça. C'est là qu'il va le nourrir de radis noirs. Ah, c'est là, oui, ça se moment ouais. D'accord. Ouais. Ah ouais, c'est là qu'il y a aussi un gros problème, là, ils sont enfermés, là, et puis c'est là qu'il y a les curés qui arrivent, là, non. Le hamster, tu veux dire, ouais. Mais non, attendez, non, mais là, vous faites un. Ah non, là... d'abord, ils se font choper par les. Non, mais attends, ils vont d'abord sur l'île. Ouais, pour voir les curés, mais c'est très rapide, hein. C'est pas très rapide. Ils vont sur l'île, et là, je sais pas si vous avez remarqué, il y a un plan. En fait, Val Kilmer, il est en train de mâcher du radis noir. Et clairement, on dirait Val Kilmer dans Top Gun qui mâche du chewing-gum. Il a ses rébanes, d'ailleurs. Il a ses rébanes à ce moment-là. Et en fait, à un moment, le nain. Oui, tu peux dire. Lequel ? De toute façon, on bipera au montage. Le personne de petite taille. Moi, il va sur l'île tout seul. Parce que je sais pas pourquoi, mais tu peux y aller que tout seul. Chercher la sorcière machin qui est enfermée sur l'île, qui est enfermée dans le corps d'un rat. Et au moment où on le voit sur l'île, là, franchement, il y a des plans, c'est hyper long et on dirait vraiment genre le documentaire d'un nain en Islande. Tu sais, le nain qui a traversé l'Islande. Qui te présente des trucs. Mais en plus, ce qui est trop drôle, c'est qu'il galère grave à marcher. Ouais. Tu sais, parce qu'en vrai, il est pas fait pour un tel niveau de dénivelé. Bah, en chaussures de randonnée, il a pas trouvé sa taille, quoi. Il sort pas chez les Decathlon. Il a des Caterpillars, c'est du 45. Et donc là, il trouve le rat qui parle. Le rat qui parle. Moi, j'ai marqué « Oh là là là là là là !» Et je pensais pas que ça allait être encore pire que ça, parce que, bon, on le sait, hein, il va se transformer après, c'était l'enfer. Oui. Capture. Oui. Donc là, il y a capture. Il y a capture. Alors, vous avez remarqué que les ennemis avaient quand même prévu leur cage hamster. Hein. Ils enferment tout le monde dans des cages, et du coup, le petit rat, il enferme dans une petite cage à lui. La cage, quand même, la moins solide de la planète Terre. C'est-à-dire que c'est du bambou. C'est du bambou avec de la ficelle, il suffit de défaire les nœuds, hein, quand même. Là. Ouais, c'est à ce moment-là que Val Kilmer fait une super intervention. Tu sais, quand il est enfermé, il fait « Ah, mais si seulement j'avais une épée !» Bah oui, mais enfin, si c'est... Enfin, t'es en prison, bah quoi, t'es ça avec ton épée, mon gars, tu vois. Sinon, tu sortirais, quoi. Alors, si seulement j'étais hors de prison. Alors, on te laisse la scie sauteuse, hein. Tu fais gaffe, tu t'échappes pas. Hein. Si seulement j'avais une scie sauteuse. Et déjà, il y a un truc, c'est qu'elle lui dit, bon, l'objectif, là, Willow, c'est que t'apprennes quand même la magie, parce que t'es un magicien. Oui. Et moi, je suis en rat, il faut que tu Il a le bâton, il a le bâton du sorcier, en fait. Il faut que tu me retransformes en vraie personne. Ouais. Pour ça, il faut que t'apprennes la magie. Ouais. La magie, c'est trois mots à réciter. Putain, faut pas déconner, quoi. Et il galère. Et là, il est là. C'est pas facile, t'es marrant, toi. Et là, il fait, l'opatam. Mais non, je dis pas l'opatam. Il y a trois mots, mec, ça va. Écris-les sur un papier ou dans le sable, j'en sais rien. On voit que t'as jamais fait de la magie, toi. Et il y a la poule, il se transforme en corbeau, c'est ça, là. Et là, j'ai fait oh putain. Ah oui, le rat se transforme en oiseau. On va suivre ces transformations quand même. Oui, on va quand même suivre. C'est important, c'est important. Là, il y a la poudre de plaisir là. Comment ça s'appelle? Attends. Est-ce qu'il se passe un truc? Parce que pour faire la potion magique, il a besoin de sang. Et le rat, il dit rien, mais genre, il le mord, tu vois. Mais il le mord trop méchant. Mais genre, mais attends, mais moi, je serais trop vénère. Genre, mais attends, mais dis-moi, là, je sais pas, t'as toutes les maladies du monde, ça fait 10 ans que t'es en rat. Tu me dis, s'il faut du sang, je le fais moi-même, mais tu me le fais pas avec tes dents répoux, quoi, tu vois. Franchement, c'est pas sympa, quoi. Willow meurt du tétanos 2 années plus tard. Et surtout, et en plus, il a besoin de 3 gouttes, mais il a sa goutte à gros sang, quoi. Non, c'est parce que sa 7e grosse goutte, pardon. Il a des sous petits doigts, c'est pour ça. Et là, Val Kilmer, il va prendre la poudre de plaisir, là, ouais. Dans le nez. Et donc, en gros, ce qu'elle fait, cette poudre, c'est que tu tombes amoureux de la première personne que tu vois. Ouais. Je me suis dit qu'elle allait tomber amoureux de Willow. J'avais coup de chance, hein. Hey, mais qu'est-ce que tu fais? Coup de chance, enfermez-nous dans la même cage, s'il vous plaît. Il y avait une si meuf. Seulement j'avais mon épée. À 20 km à la ronde, heureusement. Ouais, bah, c'est la fille de la reine, d'ailleurs, de la méchante reine. Voilà. Ouais. Alors, c'est marrant parce qu'il arrive dans sa chambre. Elle change de couleur, ses cheveux, voilà. Et bien rousse, comme tout le monde dans ce film. C'est Mylène Farmer, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Désenchantée. C'est vrai. Ouais. Et il rentre dans sa chambre. Et bon, il est complètement taré, hein, il récite de la poésie, quoi. Et il est sous l'effet du GHB, là. Et en fait, elle sort un pic à glace de ses draps. C'est Sharon Stone dans Basic Instinct, quoi. Mais en plus, au début, genre, elle se laisse un peu pas faire et tout. Et à un moment, elle touche son pectoral droit. Et là, elle fait oh! Et elle l'embrasse. Ah, mais tu es Batman. Je te mets au défi de résister, toi aussi. quiconque appose sa main sur le pec droit de Val Kilmer, tu l'embrasses. Ouais. T'es foutu. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de problèmes hein, dans Top Gun, d'ailleurs. C'est pour ça que le film est un peu. Okay. Et donc après, ils sont dans la neige, là, c'est la castagne. Évasion, homme boule de neige. Alors, ouais, ils partent en snowboard. Hein. Et d'ailleurs, Willow, il est sur la luge, là, il perd contrôle, il fait un wall plant directement dans un mur. Mais le bébé n'a rien. Hein. Parce que moi, à un moment, j'ai eu peur pour le bébé. Parce que ça allait très très vite. Hein. Mais d'ailleurs, mais tout le long, le bébé, il est hyper serein. Il pleure jamais. Ouais. Il y a quand même des machins bizarroïdes autour de lui, quoi, ne serait-ce que les gens. Je pense qu'ils lui ont donné un peu de la drogue du plaisir. Moi, il galère stone quand même. Surtout, le bébé, au final, il a fait du rafting, de la luge, il a fait tous les super. Colo de vacances. C'est super éclaté. C'est nos gens heureux. Mais en plus, tout le long du film, le bébé, tu sais, il a des réactions quand même. C'est-à-dire que quand il y a un méchant qui arrive, il pleure. Quand c'est Willow qui arrive, il fait ouais. Il rigole. Ouais, mais vaguement, quoi. Tout. Ah non, quand même. Si, c'est marrant. Mais c'est parce que ça. En fait, à la fin, tu te rends compte que c'est Christiane et qu'elle a 45 ans et que c'est une naine. Et là t'as l'homme boule de neige, donc le gag, moi j'ai pas envie de le raconter. Moi non plus. Faut avoir le film, c'est très drôle. Ouais. Même pour ça, ça vaut le coup. Ouais, ouais. Ouais, ça vaut le coup de se taper 2 heures de Willow pour ça. Après il capture la nana la Val Kilmer, ouais, en lui mettant une dague sous la gorge. Ouais. Et là t'as tous les mecs qui font. Attends, je suis désolé, mais c'est-à-dire qu'il la prend en otage avec la dague sous le cou. Et là, c'est pareil, il y a un changement de plan au moment où il doit monter sur le cheval en la gardant avec le couteau sur lui. Parce que moi, je l'ai fait à qui, n'importe qui, j'ai armé toute une armée à distance et monter sur un cheval en gardant une nana avec son couteau, quoi. Enfin bon. Et après, sur le cheval, t'as les mecs qui sont là avec des épées et qui sont en train de se battre. Tu sais, en plus, ça doit faire un vacarme et tout, ça doit être galère de se faire entendre. Et là, il dit, lâchez vos armes. Et là, les mecs, instantanément, ils lâchent tous leurs épées, tu sais. Mais c'est pas des flingues, hein. c'est genre, ça n'a aucun sens. Et donc, après, ils vont s'enfuir avec la nana sur le cheval et tout, dague au cou. Ouais. Ouais. Ils vont vers. Ça galère aussi hein, de faire de la route. Putain, tu fais du cheval, au bout d'un moment, la gonzesse, elle le pousse, quoi. Ouais. Bah, c'est conseillé de s'arrêter toutes les 2 heures, hein, de toute façon. Et là, ils se dirigent vers le château vide, hein, c'est ça? Ah oui, le château de polystyrène, oui. Ouais, château, ouais. De polystyrène. Château de polystyrène, du coup, bah là ça vire chocolat, du coup les gars ils arrivent, donc Val Kilmer il ferme les portes et là il nous fait une petite maman. J'ai raté l'avion, ouais. Installation de piège minute. Ouais. Il met des arbalètes, des trilliards de trucs. Il manque le chalumeau, ça il l'a pas mis. Et les boules de dos éclatées par terre. Mais il y a les petites Hot Wheels par terre pour quand ils se mettent là. Oui, il y a pas le mec qui va le dingue dans l'escalier parce qu'il y a des petites billes. Grosso modo, il est 1 contre 2000. Oui. Et ça se passe plutôt pas mal, hein. Pff, cette scène, c'est pas possible. Un compte 2000 plus les trolls. Ah oui, ah oui, les trolls qui viennent faire chemin. Et le monstre à deux têtes. Les trolls qui n'ont rien à voir avec les trolls du Seigneur des Anneaux, où tu te dis, putain, le truc de 2 mètres, qui pue de la gueule, énorme et tout, machin. Alors, non, c'est des gros chats, quoi, grosso merdo. Là, il y a quand même un moment de tension, parce qu'on sait depuis le début du film que Willow a peur des trolls. Il est trollophobe, en fait. Ouais, il dit, je hais les trolls. Il est un peu raciste, quand même. Ils sont hyper racistes, les pecs, attends, franchement. Rigolez pas, moi j'ai un ami qui est trollophobe. Là, c'est vachement handicapant, tu peux pas te promener dans une forêt enchantée comme tu veux. Et ce château, on peut, il peut pas le visiter. Pourtant, donc, il est ouvert pour les journées du patrimoine. Donc Willow, il sert à rien comme d'hab. Ça, c'est vraiment en plus avec Kimmer doit aller le sauver. Bah, c'est là qu'il jette son gland d'ailleurs. Oui, alors son gland. Si, ça... si. Willow, à un moment, il tue deux gardes. Incroyable. Ah oui, en les poussant dans l'escalier. C'est un peu scandaleux quand même. Elle a d'un seul coup, comme si c'était pas trop compliqué, 2000 personnes à tuer pour Val Kilmer. Il y a un chien à deux têtes qui sort du marécage, un truc. Un chien t'es gentil. Ouais. Bah, je pense que c'est ce que le mec en pâte à modeler avait essayé de faire. Je suis allé à la SPA, j'en ai pas vu des coups. Et donc, c'est cette race hein, spéciale où quand tu plantes une épée dedans, la tête explose. Oui. Mais d'ailleurs, mais en fait, il sort du troll ce truc, non? Parce qu'à un moment, en fait, ouais. Il tue un troll, là, ça se transforme en espèce d'alien, c'est bizarre, c'est un peu le moment gore du film. En ou, Krang, je sais pas, ça devient un cerveau. Ouais, ah oui, un Krang. Vers le blob. Et puis voilà, ce combat, bon, c'est un peu. Voilà. Bah, du coup, là, c'est pareil, hein, c'est vraiment des cycles. Hein, c'est je vole le bébé, je te revole le bébé, je te revole le bébé, tu me revoles le bébé. Donc là, il revole le bébé, quoi. C'est un peu redondant. Et, c'est là qu'il transforme. Il y a une autre transformation de la sorcière. Oui. Donc là, c'est en chèvre maintenant. Ouais. Oui. Bah, c'est bien, il peut faire du fromage maintenant. Ça avance. Oh non, je préférais quand c'était un oiseau, elle faut la sortir le matin. C'est trop galère. Elle fait un boucan. Ah, j'ai mal au mamelle, il faut me traire. D'ailleurs, la voix de la chèvre est juste impossible. Ah oui, c'est même infernal. La cesse de... Oui, il est haut. C'est vraiment atroce, quoi. Bien agaçant. Donc ensuite, au final, tout va bien, tous les méchants ils meurent, ils s'enfuient, battent en retraite, je me souviens même plus. Ah oui, d'ailleurs, il y a une mort qui est un peu similaire à celle de Marion Cotillard dans Batman, je trouve. C'est la mort d'un des Daiquiri, pardon, je les appelle les Daiquiri, qui ressemble un peu à Daiquiri fraise ou Daiquiri citron. Non, c'est le pec citron par contre. Non, joli. T'as clashé. Ouais. Oh, c'est pas mal. On n'en fait pas des aussi taffés d'habitude. C'est cool, ça, c'est pareil. Et du coup, ils vont dans le château final, hein, le boss de fin, quoi. Ouais. Ouais. Donc là, pareil, hein, pour la déco, putain, elle pourrait mettre. Ah, c'est austère, hein. Ah ouais, putain. Ouais, c'est tout noir, en plus, il fait nuit tout le temps, il pleut. Ouais. C'est mal isolé, hein, vous avez remarqué la scène de la fin. Ça fuit. Hein. Mais c'est ça le problème avec le château, c'est que c'est coûteux à entretenir, quoi. Non, mais les châteaux de méchants, ils sont obligés, c'est dans la charte. Il faut que ça fuit, il faut qu'il y ait des trous dans le plafond, il faut qu'il y ait des éclairs tout le temps. Ouais. Et elle n'a pas de paratonnerre non plus, ça c'est une erreur. Hein. Ouais, parce que le bébé est déjà en sa possession, donc c'est-à-dire qu'elle commence le rituel et après elle transforme tout le monde en cochon. C'est-à-dire qu'au niveau du timing, les mecs ils sont encore transformés en cochon dehors, que le bébé est déjà installé sur l'autel pour le sacrifier, et il va quand même se passer 15 heures parce qu'il va faire jour et ils vont faire leur plan d'attaque. Ouais, parce que c'est tout un rituel en fait. C'est incroyable. Tu tues pas un bébé comme ça. Hein, alors ils vont pouvoir être désenchantés du sort de transformation en cochon. Mais attends, il faut déjà parler de cette scène parce qu'en fait ils arrivent devant le château et du coup Val Kilmer, parce qu'il sort en fait avec la princesse, donc il fait la connaissance avec sa belle-mère. Du coup, ce qui est toujours un peu compliqué la première rencontre avec la belle-mère. Mais là, ça c'est encore pire, hein, du coup, parce qu'elle transforme tout le monde en cochon, effectivement. Et là. Pas cool. T'as Willow en fait qui avait transformé le rat en oiseau, en chèvre. Il va réessayer la formule. Donc là, elle va se transformer en noix et il va réessayer la formule. En noix? Ouais. Alors, elle est où la sorcière? Moi, je me transforme en hot dog. Et après, et enfin, il va lui donner sa version finale qui est Iggy Pop. J'ai éclaté quand j'ai eu la course. Et là après du coup elle va détransformer il ou elle hein, du coup je sais pas elle va détransformer les gens en cochons et ils vont faire un plan de bataille et à la fin c'est vraiment fouillis, il y a 4500 figurants, ouais, c'est vraiment n'importe quoi. Et puis voilà, il y a le plan d'attaque à la fin, on le raconte, on le raconte pas, je sais pas, il y a une baston de sorcière quoi à la fin, c'est ça. Ouais, une baston de sorcière bien chiante, hein. Ouais, franchement, j'ai plus aimé dans Arthur de Walt Disney. Arthur et les Minimoys. la baston de sorcier à la fin, pour ceux qui connaissent. Mmh. Et juste la vraie question, c'est pourquoi la sorcière elle meurt en fait. Enfin, tu sais, je sais pas, ça avait l'air d'être des bails classiques. Avant que ça vire chocolat pour elle. Et à un moment, il y a la foot qui lui tombe dessus, genre gratos, quoi. Ouais, ouais. Genre, ouais, bah, c'est bon maintenant, tu l'as en fait. Mm. Bon, moi je ne répondrai pas. Et donc à la fin, c'est la fête, hein, comme dans tous les films de George Lucas, une fois que c'est terminé, il y a la fête et il y a Willow qui rentre chez lui. Il n'y a pas double face qui arrive. Parce qu'ils n'avaient pas invité Bruce Wayne, c'est pour ça. En fait, où il y a Bruce Wayne. J'ai noté que la musique était signée Mano et Nolwenn Leroy, parce que je trouve quand même que c'est pas mal celtique breton. Et moi, j'ai trouvé la musique de ce film pas terrible du tout. Bah non, ouais. Voilà, je donne mon avis. Et globalement, la scène de fin, donc t'as tous les Daikiri qui sont là, ouais, notre village est sauvé, il fait beau, il fait tout ça. Et t'as Willow qui rentre, et personne n'en a rien à foutre. Tu sais, il part genre, ouais en fait, merci le nain, hein. à plus tard. Et il rentre dans son village. Et alors là, c'est frein à main et explosion de joie, quoi. Tout le monde est hyper content de le revoir. Attends, c'est quoi ton expression, là, frein à main? Frein à main, explosion de joie. C'est une expression pour dire... explosion de joie. D'accord. Ils ajoutaient frein à main avant. Et les gens n'en avaient rien à foutre de le voir partir. Et là, en fait, tout le monde est quand même vraiment content de le revoir, quoi. Ouais. Enfin, fallait pas le faire partir si vous êtes content. Bref. C'est les os qui lui avaient dit de partir. C'est vrai. Et tu sais, au moment où il revient, t'as le vieux Maboule qui lance les os. Il revient. Il faut qu'il revienne. Non, non, enfin, heureusement qu'il avait les cheveux quand même. De sa nana, sans ça, il serait pas sorti. Ça, c'est clair. D'ailleurs, c'est, elle est là, elle fait t'as mes cheveux parce que ça pousse pas. Et bon, voilà, moi c'est l'enfer. Bon, ouais, on n'a pas parlé du montage, mais je pense que le logiciel c'était Windows Movie Maker en fait. Parce qu'il y a un milliard d'effets de fondu. Ah oui, il y a les fondus genre Lucas, dégueulasse. Là. Les balayages là. Ouais, horizontal, qu'on voit sur Star Wars. Ouais, c'est exactement ça. Putain, quel enfer ce film. Ouais. Et voilà, un dernier avis. De toute façon, vous pouvez le voir, il passe tous les ans sur M6. Hein. Non, ils ont arrêté. Pas sur W9 maintenant. Ils ont arrêté, je crois, de le passer. Ils ont arrêté parce qu'il passait vraiment tous les ans quand j'étais gamin, quoi. Il y avait. Ouais, à Noël. C'était le rituel. Ouais, à Noël, ouais. Ou à Pâques. Ou à la Toussaint. Ou à l'Ascension, hein. Parfois. Bon, bref, c'était notre avis sur le film, c'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion, n'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les tours de cul. Tout le monde en a un. Alors, commentaire 5 étoiles sur Allociné. J'ai pas trouvé grand chose en fait. Hein. J'ai quand même fait une sélection de 5 commentaires. Et on a Seb qui nous dit « Ce film me rappelle ma jeunesse. » C'est un groupe bien. Hein. « Et mon fils comprend maintenant pourquoi sa petite sœur s'appelle Elora. » Oh putain, oh, oh là là. Mon fils qui s'appelle Willow, ça il l'a pas dit. Allez les brownies, attends. Mais surtout, tu sais, quand tu grandis, tu vois le film, tu fais « Putain, mais mon père, c'est un tocard !» On a Jonathan qui nous dit « De l'aventure !» Alors, il résume le film en 4 mots, c'est plutôt bien, il dit « De l'aventure, de la magie, de l'amour et des nains !» Voilà le cocktail que nous sert un Ron Howard au sommet de son art. C'est ce qu'on aura dû dire au début. Et le breuvage est un régal dès la première gorgée. Willow est un film qui se déguste du début à la fin. Et vous redécouvrirez le sens du mot rêver. Oh là là là là. Voilà, Mayou, pareil, 5 étoiles, qui dit « Un conte fantastique avec de l'humour. Beaucoup d'humour. » Beaucoup d'humour. Ah, il y en a un paquet, hein. Il faut d'ailleurs... Le caméo Gad Elmaleh, il faut rigoler, hein. Il faut d'ailleurs le voir et le revoir. Pour bien saisir. Pour bien comprendre. Hein. Car les seconds rôles sont vraiment importants pour la compréhension de toute l'histoire. Une belle histoire sur la tolérance, fortement mise à mal dans notre société actuelle. Oh là, c'est beau. Voilà. Alors, on a Oscan, 57. Alors lui, je pense qu'il a envoyé un télégramme en fait à Allociné. Il n'utilise pas de verbe, il dit « Film d'enfance, bon souvenir, top 10, vu au moins 50 fois. » C'est l'économie d'un moment. Le mec est ultra pressé. Vite. Stop. Vite un commentaire. J'ai mon train qui part. Et enfin, on a Buffalo Air qui nous dit « Un classique. Mon Dieu, je suis né avec ce film. Willow with God est mon héros. Que dire, c'est un film simpliste avec une histoire cucu et des effets spéciaux merdiques. 5 étoiles. » Donc, c'est l'heure à présent de tirer les films du chapeau. Pendant qu'on va chercher le chapeau, je rappelle rapidement les bails. Si vous voulez que l'on fasse un film de votre choix, vous le mettez en commentaire iTunes, accompagné de 5 étoiles. Maintenant, je le précise parce qu'il y a un type qui a été assez malin pour pas nous les mettre. Donc clairement, son film est pas dedans. Je rappelle aussi l'existence du super site web turbogagnant.com. Créé par nos soins, on est tous programmeurs web. Et vous pouvez consulter les films du chapeau. Voilà. Turbo Gagnant, comme ça se prononce. Ok. Et ben, je vais faire le premier. Je fais le premier. Ok, ok. Et ben voilà. Le sixième sens. Le. Je l'avais senti, moi et mon sixième sens. Et deuxième film. Ça fait longtemps que j'ai pas vu, quand même. Ah, je pense que c'est nul en fait. Moi on me l'a gâché en plus. Matrix. Oh, c'est cool. C'est pas mal. Deux gros blockbusters. Ouais. Eh bien, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de sixième sens. Donc. Ouais. C'est exactement. Et si on voulait pas que l'on vous gâche la fin, je vous conseille de le voir avant. Parce que je pense qu'on va la gâcher. Même le début aussi. Allez. Eh bien, à la semaine prochaine. À la semaine ciao. Prochaine. Ciao.